Quatrième partie, chapitre 4 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 4. Deux exemples remarquables sur ce sujet. Il vous importe si fort, filoté, de bien entendre ceci, que je ne ferai nulle difficulté de m'y étendre davantage. Le jeune homme, dont parle saint Jérôme, couché sur un lit d'une manière fort molle et attaché avec des cordons de soie, était provoqué par tout ce que l'on peut penser de l'impudence d'une femme dont on se servait pour ébranler sa constance. Et qu'est-ce que ses sens et son imagination n'en devaient pas souffrir? Il est vrai, cependant, qu'au milieu d'un si terrible orage de tentations sensuelles, il témoigne que son cœur n'est point vaincu, et que sa volonté n'y consent en aucune manière. Car son âme, voyant tout révolté contre elle, et n'ayant rien à son commandement de tout son corps que la seule langue, il se la coupa avec les dents et la cracha au visage de cette vilaine qui lui était plus cruelle que les bourreaux les plus furieux. De sorte que le tyran qui avait désespéré de vaincre cette belle âme par les douleurs, pensa inutilement la pouvoir vaincre par les plaisirs. Le récit des tentations intérieures et extérieures, que Dieu permit aux malins esprits de faire à sainte Catherine de Sienne sur la pudeur, est tout à fait surprenant, et l'on ne peut rien imaginer de plus horrible que ce qu'elle souffrit dans ce combat spirituel, soit des suggestions de l'ennemi à l'égard de l'imagination et du cœur, soit pour les yeux à l'égard des représentations les plus infâmes que les démons lui faisaient sous des figures humaines, soit encore pour les paroles les plus abominables. Or, quoique tout cet extérieur détestable ne lui frappât que les sens, son cœur toutefois en était si pénétré qu'elle confesse elle-même qu'il en était tout rempli et qu'il ne lui restait rien en elle-même qui ne fût violemment agité de cette tempête que la seule partie raisonnable de sa volonté. Cette épreuve dura longtemps, jusqu'à ce qu'enfin notre Seigneur lui ayant un jour apparu, elle lui dit « Où étiez-vous, mon aimable Seigneur, quand mon cœur était plein de tant de ténèbres et d'ordures ?» Sur quoi il lui répondit « J'étais, ma fille, dans ton cœur même. Et comment, répliqua-t-elle, habitez-vous en un tel cœur ?» Alors notre Seigneur lui demanda si ses dispositions fâcheuses avaient produit en elle quelque sentiment de plaisir ou de tristesse, de l'amertume ou quelque délectation. Et la sainte lui ayant répondu « Tristesse et amertume, Seigneur ?» Il lui dit « Qui répandait cette amertume et cette tristesse en ton cœur, sinon moi, qui demeurais caché au fond de ton âme ? Sache, ma fille, que si je n'y eusse pas été présent, ces dispositions qui assiégeaient ta volonté sans pouvoir la vaincre y eussent été reçues avec plaisir et d'un plein consentement de ton franc arbitre et eussent causé la mort à ton âme. Mais parce que j'y étais présent, je donnais cette ferme résistance avec laquelle tu refusais ton cœur à la tentation. » Et comme il ne pouvait pas résister autant qu'il le voulait, il en ressentait un plus grand déplaisir et une plus forte haine de la tentation et de soi-même. Ainsi, ces peines ont été un grand accroissement de vertu et de force pour toi, et un grand fond de mérite. Voyez-vous, Philothée, comme ce feu était couvert de cendres, et que la tentation avec la délectation était entrée en ce cœur et avait obsédé la volonté qui, seule soutenue de la grâce du Sauveur, résistait par des amertumes, des déplaisirs, et des détestations de tout péché auquel elle refusait perpétuellement son consentement. Ô Dieu ! Quelle désolation à une âme qui aime Dieu de ne savoir seulement pas s'il est en elle ou non, et si l'amour divin pour lequel elle combat est entièrement éteint en elle ou non. Mais c'est la grande perfection de l'amour céleste que de faire souffrir et combattre l'amour par l'amour, sans savoir s'il a l'amour pour lequel et par lequel il combat. Fin du chapitre 4, quatrième partie.